Bonjour à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Il y a nécessité d'instaurer une bonne gouvernance et une lutte effective contre la corruption en vue de voir la production augmenter dans le pays. Dans ce journal, vous entendrez le Faustin Dikoumana, directeur national de l'association Parsem. La suppression des taxes et impôts sur les produits de première nécessité importés peut, quant à elle, amoindrir le coût de la vie chère que vivent les fonctionnaires de l'État et les Burundais en général. Ce sont là les propos de Kefani Bizi, homme politique et président du parti Codebou. La rareté des devises et la cherté des machines de production au Burundi sont des facteurs de la hausse des prix des produits vivriers au Burundi. Dans ce journal, vous entendrez professeur Prosper Niyoboke, expert économiste. Et puis, 170 maisons ont été endommagées par les eaux de la rivière Kanyosha qui a dévié vers le quartier Kibenga suite aux fortes pluies qui se sont abattues la nuit de dimanche de Noël. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À peu près 43 kilos d'or ont été vendus par des orpailleurs regroupés au sein des coopératives d'extraction de ce produit ces six derniers mois de l'année en cours. Propos du ministre en charge de l'énergie et mines au Burundi ce mardi, à l'occasion de la réunion entre le premier ministre burundais et les chargés du secteur de l'orpaillage au Burundi. Ibrahim Ouizeye indique pourtant que le rendement n'est pas du tout satisfaisant et pour lui, il y aurait une autre quantité d'or qui n'est pas connue qui se vend à l'étranger frauduleusement par les mêmes orpailleurs. Il y a nécessité d'instaurer une bonne gouvernance et une lutte effective contre la corruption en vue de voir la production augmenter dans le pays. Ce sont là les propos de Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG Parsem, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Selon cet économiste, la suppression des annales pour les fonctionnaires de l'État engendre le manque de qualité des services offerts. Il estime que ces annales facilitent dans le temps à ces fonctionnaires à faire face à la cherté de la vie, et pour les fonctionnaires et pour les citoyens en général. Normalement, quelle est l'importance des annales pour les fonctionnaires de l'État? D'abord, c'est un facteur pour permettre à évaluer la performance des travailleurs au travail. Si vous avez été coté élite ou médiocre, il y a une rémunération conséquente liée aux annales accordées. Tandis que ces annales aussi permettent à ce que ces fonctionnaires puissent faire face au coût de la vie liée à cette inflation galopante. Quand alors l'inflation arrive à un tel niveau, les salaires, les annales ne sont plus accordés. Il y a risque d'abord des intéressements, des motivations des fonctionnaires, ce qui aura une répercussion négative sur la qualité des services publics rendus à la population, aux citoyens qui sont encore une fois des contribuables qui paient les taxes et les impôts pour justement rémunérer ces fonctionnaires. Donc l'État doit faire attention par rapport à cela et pour que cette situation puisse être débloquée parce que le coût de la vie devient de plus en plus élevé. Et encore plus, on voit qu'il y a des problèmes, des questions qui sont rentrées dedans, qui sont devenues comme un engrenage. On parle de l'harmonisation des salaires qui n'est pas mise en application de façon effective. Il y a les annales qui sont toujours bloquées. Il y a le système de pension qui n'est pas clair sur la capacité de l'État à faire face aux charges inhérente à la nouvelle réglementation des retraites. Donc il faut quand même que cet amalgame, il faut que l'État puisse prendre des mesures, puisse prendre des solutions par rapport à la capacité réelle, savoir prioriser. Sinon, si on doit faire un effort pour augmenter la production et le revenu, il sera toujours difficile si le niveau de corruption, de gouvernance reste ce qui est à un niveau où il est aujourd'hui. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parsem. La suppression des taxes et impôts sur les produits de première nécessité importés peut amoindrir le coût de la vie chère que vivent les fonctionnaires de l'État et les Burundais en général. Propos de Kefani Bizi, homme politique et président du parti Codebou, qui estime que l'écart des taux de change entre l'officiel et celui du marché noir pour le billet vert serait parmi les causes de la montée des prix sur le marché. Nous nous situons d'abord la cause principale au niveau de la différence du taux de change qui se remarque au marché noir et celui officiel. La disponibilité de devises se trouve beaucoup plus sur le marché noir, ce qui fait que les biens importés sont chers et les producteurs locaux sont obligés de grimper les prix pour pouvoir s'approvisionner aux produits importés. Deuxième cause pourrait être une certaine panoplie de taxes qui ont été élevées dans la nouvelle loi de finances, sans oublier aussi la hausse du prix du carburant. Mais quoi faire pour le moment pour améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires et des citoyens en général? Bon, pour le cas des fonctionnaires par exemple, en réalité, les salaires devraient couvrir au moins les besoins fondamentaux à ce qui est du logement, l'alimentation et autres. Jusqu'à maintenant, je pense qu'il y a peu de fonctionnaires qui sont capables de se nourrir et d'avoir des logements décents, de se déplacer avec aussi les salaires qu'ils reçoivent. Mais aussi, la population dans son ensemble a perdu le pouvoir d'achat parce que l'augmentation des prix des denrées de première nécessité ne va pas de pair avec l'augmentation du pouvoir d'achat. Par voie de conséquence, il fallait dans un premier temps suspendre les taxes et impôts sur les produits alimentaires importés, ne fût-ce que pour une courte durée, mais aussi il fallait revoir certaines impositions qui auraient été très lourdes et qui auraient poussé à l'augmentation des prix. Il faudra imaginer s'il y a possibilité de revoir aussi les salaires des fonctionnaires parce que les fonctionnaires doivent vivre décemment pour pouvoir travailler. On ne peut pas attendre d'un fonctionnaire de faire mieux son travail alors qu'il mange une fois par journée, il ne peut pas louer une petite maison, c'est pas possible. Donc il faut revoir la structure macroéconomique et là, la solution magique pour nous, il faut trouver la devise. Nous disons que si on parvient à réduire cet écart de taux de change, on réduirait au moins de 25% les prix des produits importés et par voie de conséquence les prix des produits locaux dont on augmente pour pouvoir s'approvisionner en produits importés qui sont devenus très chers. Kefani Bizi appelle également le gouvernement burundais à penser beaucoup plus à la vie de la population en premier lieu qu'à celle du pays en général. Suivez-les encore une fois des propos recueillis par Omer Ndouayo. J'ai l'impression qu'il y a une difficulté ou le manque de volonté politique. Quand on écoute les discours des plus hautes autorités, on a l'impression que l'intérêt majeur est mis sur le développement dans l'ensemble du pays, les projets nationaux de développement, en oubliant la vie quotidienne de chaque individu. Alors on doit savoir qu'on ne peut pas développer le pays alors que la population souffre et dans la misère. Il faut d'abord se préoccuper de la vie quotidienne de la population et le développement de l'ensemble du pays suivra. Sinon, on pourra avoir un pays qui est apparemment développé alors que la population en soi est en déperdition. Économie encore pour vous dire que la rareté des devises et la cherté des machines de production au Burundi sont des facteurs de la hausse des prix des produits vivriers au Burundi. Explication d'un expert économiste Prosper Niyoboke. Pour lui encore, il faut professionnaliser les groupements de production pour écouler le rendement aux marchés internationaux. Mais aussi, il y a la réhabilitation des infrastructures routières. Ce sont là les unes des solutions pour lui, pour revoir à la baisse les prix de ses produits. Suivez. Lorsqu'il y a des hausses de prix, il faut voir des raisons, des causes. Il y a des hausses qui sont dues à des facteurs externes, exogènes. Donc c'est une forme d'inflation qui est importée. Et ça, comme le Burundi, en grande partie, il faut reconnaître. Je ne dirais pas que nous sommes des consommateurs nets, donc des gens, mais tout au moins au-delà de 50%, on consomme ce qui est importé. Alors si au niveau de ces marchés, donc, au niveau desquels on s'approvisionne, si les prix au niveau de ces marchés montent, c'est normal que ceux qui vont aller s'approvisionner au niveau de ces marchés puissent faire arriver des produits à des prix qui sont un peu élevés. Ça veut dire que cette hausse, ça se transmet et ça se manifeste à travers la formation des prix, des produits qui vont être cette fois-ci proposés sur le marché local, qui sont importés. Ça, c'est une des causes. Une autre cause, ça pourrait être une cause qui est due à cette machine de production. Ça veut dire qu'on utilise les intrants des gens qui sont chers. Le produit qui va être généré de cette machine de production va devoir inclure ces facteurs. Les coûts élevés dus à ces hausses, des prix de ces intrants utilisés, c'est qui va se manifester à travers alors l'output, donc le produit qui est généré. Ça veut dire que le prix le seul produit qui va être proposé au marché. Il y a une autre chose qu'il faut nuancer. Comme si chaque fois il y a la rareté un peu des devises, ça veut dire qu'on assiste à une dépréciation continuelle de notre monnaie locale. Alors si on ne sait pas un peu apprécier cette identité de cette monnaie locale, autrement dit, ça veut dire que ça va se déprécier. La conjugaison de ces dépréciations, de l'inflation, ça ne fait que faire hausser les prix. Donc il y a plusieurs facteurs. Il faut que les producteurs burundais puissent produire conséquemment. Produire pour le marché, mais pas produire pour les mêmes, pour l'autosuffisance. Les gens commencent quand même à comprendre. Je sais qu'il y en a qui commencent à se former à travers ces petits fêtiers qui sont des coopératives. Est-ce que ça, il faut que ça donne, il faut qu'on arrive à structurer, à professionnaliser ces acteurs qui sont à travers ces sites fêtiers pour qu'on arrive quand même à avoir une production et qui est censée couvrir un peu l'autoconsommation, mais autant le marché. Ça sont c'est à moins terme parce que ça demande la sensibilisation, ça demande des formations, ça demande un encadrement avec les organisations. Et à long terme, c'est cet ensemble d'infrastructures, structures énergétiques, infrastructures routières, infrastructures, c'est ça ce que je disais, la base structurelle. Cette fixité qui doit avoir un niveau et qui pourrait permettre quand même à ce qu'on quitte un niveau d'équilibre vers un autre niveau supérieur. Ce qui permettrait conséquemment qu'on arrive à avoir une production élevée assez conséquente à travers la transformation, des gains de compétitivité dits, le fait qu'on arrive à un moment où même le produit burundais pourrait être accepté sur le marché international, avec tout ce qui est la certification, à travers ces unités spécialisées de normalisation. Des solutions sont multi-complexes. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Société à présent, 170 maisons ont été endommagées par les eaux de la rivière Kanyosha qui a dévié vers le quartier Kibenga suite aux fortes pluies qui sont tombées la nuit de dimanche de Noël. L'un des dirigeants de ce quartier de la mairie de Bujumbura fait savoir qu'aucune perte en vies humaines n'est signalée jusqu'ici. Les victimes de ces inondations demandent au gouvernement de leur venir en aide et plaident pour le courage. Lydie Gahimbare. Cette forte pluie tombée dimanche de Noël dans le quartier Kibenga a endommagé tous les matériaux du ménage, comme le témoigne l'un des habitants de ce quartier. Bon, c'était dimanche, le jour de Noël. On avait passé la journée à l'aise, avec un air très frais. Mais accidentellement, pendant la nuit, nous nous sommes retrouvés inondés dans nos maisons. Et tous les matériels du ménage ont été endommagés par ces pluies amenés par la rivière Kanyosha. Et quels sont les dégâts qui se sont produits? Les dégâts sont énormes. Je commençais par dire surtout les équipements de ménage et puis les voies d'accès sont impraticables. Il y a nécessité de déboucher toutes ces voies pour que la communication entre les voisins puisse se faire à la normale. Désiré Bundoyi, l'un des responsables de la Croix-Rouge Burundi, précise que cette situation peut provoquer des maladies liées aux mains sales. La situation est catastrophique parce que la rivière Kanyosha a viré et puis a envahi son quartier. Il y a plusieurs maisons qui ont été inondées, il y a des gens qui ont trouvé refuge dans d'autres ménages. Mais il y a plus pire, quand il y a un tel cas, la suite c'est les maladies qui s'en suivent. Alors maintenant, nous avons rassemblé la communauté pour leur apprendre comment faire la pulvérisation, mais aussi comment faire le traitement de l'eau à domicile pour casser cette chaîne de transmission de ces maladies qui peuvent en découler. Espérance Tirakiza, l'une des dirigeants du quartier Kibenga, indique que sa 70 maisons sont endommagés par cette inondation. Elle demande au gouvernement de venir en aide les victimes de cette inondation en amenant les machines de curage dans cette rivière Kanyosha. Merci Lydie. En international, avant de passer à la chronique santé, en Afrique du Sud, deux adolescents noirs ont été agressés par des adultes blancs le jour de Noël pour avoir voulu utiliser la piscine d'un village vacances où ils résidaient en banlieue de Bloemfontein, au centre du pays. Sur une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux et selon le site de RFI, on peut voir les deux garçons âgés selon les autorités de 13 et 18 ans être agressé par un groupe d'hommes adultes et blancs. L'un des assaillants se met alors à agripper et à serrer le cou d'un de ces adolescents avant d'entraîner le second dans la piscine en lui maintenant la tête sous l'eau. Selon des témoins, la confrontation aurait commencé alors que les adultes clamaient que la piscine leur était réservée. Plus de 30 ans après la fin de l'apartheid, les tensions raciales n'ont pas encore complètement disparu en Afrique du Sud. Une enquête a été ouverte par la police locale pour déterminer les circonstances exactes de l'agression. En République démocratique du Congo, l'opération d'enrôlement des électeurs lancée samedi en vue des scrutins présidentiels et législatifs de décembre 2023 suscite déjà la polémique. La société civile déplore un coup d'envoi dans la précipitation. L'opposition, elle, dénonce des centres d'enrôlement fictifs, tandis que la CENI parlait de simples retards à l'allumage. Radio Isanganiro, chronique santé. Une grossesse multiple se caractérise par le développement de plusieurs fœtus en même temps dans l'utérus. Le gynécologue Innocent Ndaikunda explique que l'âge avancé de la mère est l'un des facteurs favorisant que les ovaires libèrent plusieurs ovules simultanément. Malgré que plusieurs se réjouissent, une grossesse multiple n'est pas normale, car l'utérus est destiné à un seul fœtus. Pour une toute première fois dans l'histoire du Burundi, une femme a mis au monde 6 enfants en un temps. La chronique santé est signée Ornella Mucho. On parle d'une grossesse multiple lorsque plus d'un ovule a été libéré à la fois, donc le résultat d'une libération de plus d'un ovocyte. Explication du gynécologue Innocent Ndaikunda. Cet ovocyte est libéré par l'ovaire. Et 6 à 1, on aura un seul bébé. 6, 2, 3, 4, les spermatozoïdes sont toujours là en quantité suffisante pour pouvoir féconder tous les ovocytes qui sont libérés. Et en réalité, on distingue deux types de grossesses multiples. Il y a des vrais jumeaux et des faux jumeaux. Les enfants qui sont des sextuplés ou des nonuplés ou bien des quadruplés sont des grossesses qui sont issues de la subdivision de nœuds fécondés en plusieurs parties, le plus souvent avant le 15e jour de la fécondation, suivant la fécondation. La génétique, l'âge avancé de la mère et la fécondation in vitro sont des facteurs favorisant une grossesse multiple. Et cela survient soit parce qu'on a un âge très avancé, la femme qui ovule après 35 ans a beaucoup plus de chances de libérer plusieurs ovules. Et il y a aussi d'autres facteurs comme l'hérédité. L'hérédité, quand on a une femme qui a déjà dans sa famille des tantes, des mères qui ont déjà eu des jumeaux, des grossesses multiples, elle a beaucoup plus de chances d'avoir des grossesses multiples. L'autre facteur, c'est le fait de traiter une dysovulation, c'est-à-dire une mauvaise ovulation. Quand on donne des médicaments qu'on appelle des inducteurs d'ovulation, ça a tendance à faire à ce que la femme libère plus d'un ovocyte et ces ovocytes seront fécondés obligatoirement par les spermatozoïdes qui sont toujours libérés en grande quantité au cours du rapport sexuel. L'autre facteur, c'est la fécondation in vitro qui est actuellement en vogue. On peut alors donner à la femme la chance d'avoir 2, 3, 4, 5. L'autre facteur, ce sont les aliments. Il y a des aliments qui sont renommés pour augmenter les chances d'avoir des grossesses multiples. Et si je citerai le yaourt, les légumes, certains fruits, la viande et surtout les poissons aussi, les vins et les volailles. Les grossesses multiples sont considérées comme des grossesses à risque puisque tout risque associé à une grossesse normale, ils sont plus élevés. C'est une grossesse qui est pathologique, c'est-à-dire une grossesse qui est anormale. C'est pas normal d'avoir une grossesse gémellaire, c'est pas normal d'avoir un triplé, c'est pas normal d'avoir 6 enfants dans un même utérus. C'est une anomalie de la procréation, de la fécondation. Il y a toute une panoplie de désordres qui s'installent parce que les hormones deviennent beaucoup plus abondantes. L'utérus est très distendu, c'est-à-dire on aura un ventre qui est trop gros par rapport à l'âge réel de la grossesse, et ce qui va induire le travail très prématurément, ce qui signifie que dans plus de 85% des cas de grossesse multiple, les enfants vont naître très prématurément. Une grossesse multiple demande un certain suivi et une adaptation particulière pour les femmes enceintes. C'est ce que Dr Innocent Ndaikunda expliquera dans notre prochaine chronique santé. Merci Ornella, merci docteur. Et voilà, à 13h passées de 15 minutes à Bujumbura et sur Isanganiro, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à François Akimana pour la collaboration technique. Excellente journée à tous. Au revoir.